Dans la Bible, tu trouves le nom d'une ville très importante pour le peuple choisi par Dieu. C'est Jérusalem. Elle est bâtie sur 7 collines. Dans l'Ancien Testament, on apprend que Jérusalem se situe dans la terre promise par Dieu à Abraham et à Moïse. Elle est la capitale du grand roi David. Là se trouve le temple. Jésus a marché dans les rues de Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle de son Père. Il y a pris son dernier repas avec ses amis, les apôtres. Puis, il est arrêté dans le jardin des Oliviers où il priait son Père. Il a porté sa croix dans les rues. Il y est mort et y est ressuscité. Après sa résurrection, il est resté 40 jours dans la ville pour enseigner encore ses amis, avant de monter au ciel, chez Dieu, son Père et notre Père. Les chrétiens aiment se rendre en pèlerinage sur les lieux où Jésus a vécu. C'est un moment fort où l'on prie ensemble, où l'on réfléchit sur l'amour de Dieu et de Jésus. On y rencontre des chrétiens du monde entier. On dit de Jérusalem qu'elle est 3 fois sainte, car c'est un lieu important pour 3 grandes religions. Le mur des Lamentations, vestige du temple, est le lieu de prière des Juifs. La basilique du Saint-Sépulcre, construite sur le lieu où Jésus a été crucifié, est le lieu de prière des chrétiens. L'esplanade des mosquées est le lieu de prière des musulmans.